éloigner alors que tu me désires. Ne contemple pas la beauté de la lune, mais mes yeux qui te cherchent reflétés en elle n'apprécient pas sa splendeur. Souviens-toi que dans mes yeux tu habites encore, siège éternel de notre amour inachevé. Tu sais que ton absence est un être en moi, et mon absence un être encore en toi. Carlos Drummond de Andrade l'a chanté. Et bien que la lune brille si belle, ce n'est pas sa lumière qui ébranle le monde, mais ton regard qui brûle dans mes rêves depuis la nuit où tu t'es donné à moi. Toujours si absente, toujours si présente, les éclairs de ta passion nous exaltent au-dessus de la sphère qui unit tant d'amants. Et si le vent murmure aussi mon nom, souviens-toi que seul toi, la lune et les étoiles ont fait de ce cœur l'univers entier. Et bien que la lune brille si belle, ce n'est pas sa lumière qui ébranle le monde, mais ton regard qui brûle dans mes rêves depuis la nuit où tu t'es donné à moi. Toujours si absente, toujours si présente, les éclairs de ta passion nous exaltent au-dessus de la sphère qui unit tant d'amants. Et si le vent murmure aussi mon nom, souviens-toi que seul toi, la lune et les étoiles ont fait de ce cœur l'univers entier.